Voyage autour de ma table par Marc Constantin. Je m'ennuyais depuis longtemps d'être seul dans ma chambrette. J'étais malade et ne voyais personne que mon docteur, qui, exact comme une pendule, arrivait me tâter le pouls et examiner ma langue. Je n'avais pour me distraire que quelques livres épars sur ma table et une foule de petits objets inutiles. En un mot, j'avais le spleen. Il me tardait de secouer les pavots de l'ennui et ma foi, je résolus de voyager coûte que coûte. J'étais pourtant peu disposé, quant à mon chétif individu, à prendre la diligence ou le chemin de fer. Ces cahotements perpétuels m'eussent été contraires. Un voyage par mer m'eût été fatal. J'ai le mal de mer rien qu'en traversant le canal de l'Ourcq. Partir à cheval m'eût encore été dangereux. Je ne suis bon écuyer que sur les chevaux de bois des Champs-Élysées. Il me reste donc à faire la route à pied. Mais quand je marche de la rue Vivienne à la rue Richelieu, j'en ai pour 3 mois à me remettre. Ou bien en ballon. Voilà la locomotion la moins remuante. Oui, mais quand je me mets à la fenêtre de mon entresol, la tête me tourne et j'ai des vertiges. Que serait-ce donc en ballon? Eh bien alors, voyageons différemment. Restons tranquillement chez nous. Qui sait si nous n'éprouverions pas d'amères déceptions là où nous cherchons les distractions et les plaisirs? Les plaisirs ne sont point assez solides pour souffrir qu'on les approfondisse. Il ne faut que les effleurer. Ils ressemblent à ces terres marécageuses sur lesquelles on est obligé de courir légèrement sans y arrêter jamais le pied. Je reste donc chez moi. Ma chambre, voilà l'univers. Mon esprit, voilà ma force motrice pour m'élancer en ce voyage. Que je m'installe donc commodément dans mon fauteuil et que mon imagination seule m'entraîne dans les vastes plaines de la pensée. Je serai de retour pour recevoir la visite de mon docteur à qui je tirerai la langue comme d'habitude. Précisément, le temps est beau. La brise est fraîche. C'est le moment de partir. Mon voyage sera heureux. Je me suis d'ailleurs assuré contre les accidents. De quel côté me dirigerai-je? À droite ou à gauche? Au couchant ou à l'orient? Il est plus rationnel de commencer par la droite. Et comme j'ai la vue basse, je vais emporter dans ma pérégrination un verre grossissant pour mieux me rendre compte de mes découvertes. Quitte à prendre un œuf pour un bœuf et une fourmi pour un éléphant. Armé de ce microscope collé sur l'œil, ma table me semble être le monde. Elle est ronde, comme lui, et d'une surface plane, comme les Chinois supposent l'univers. Déjà sur ce tapis vert qui me retrace les vastes prairies de l'Amérique, je vois poindre à l'horizon un être vivant se promenant autour d'un magasin à sucre. Sa figure est noire. C'est sans doute une négresse. J'avoue qu'elle a un physique assez laid. Deux bouts d'écharpe de gaz diaphane retombant sur son dos forment seuls sa parure. Elle va, sans vergogne, dérober sa provision journalière, car elle descend dans l'édifice de porcelaine, espèce de pagode ronde où se trouvent des blocs brillants de sucre raffiné. Ne la dérangeons pas. Elle a peut-être de la famille. La misère fait faire tant de choses. Mais dorénavant, je me méfierai de ses pareils, que dans ce pays on nomme des mouches. Dans ces mêmes parages, j'aperçus, dans un ravin, briller une barre d'argent, affilée d'un côté, arrêtée de l'autre par une boule de même métal. Je m'approchai gaiement de ce trésor, mais là, ce n'était qu'une épingle. Je me rappelais le temps où, courant dans les blés, j'attrapais de pauvres papillons que je piquais cruellement au fond de mon chapeau. Je rejetai aussitôt ma trouvaille loin de moi, puisque cette arme avait été fatale à un pauvre petit être innocent. Et je continuai mon voyage. Cependant, j'arrivai près d'un grand lac d'une eau qui me paraissait limpide. La soif me dévorait. J'allais boire avidement, quand par bonheur je voulus analyser ce soi-disant cristal limpide. Appliquant mon œil sur le verre grossissant, je vis avec effroi de fantastiques animaux se démenant, se tortillant, se poursuivant, se menaçant et se dévorant entre eux avec gloutonnerie. Leur forme était hideuse. Leurs mœurs ne l'étaient guère moins. Je pris l'eau du lac et la jetai avec dégoût. Des voyageurs m'apprirent plus tard que l'eau la plus limpide contenait en masse de ces effroyables monstres, à moins qu'on ne la fasse préalablement filtrer. Le lac resta desséché. Les parois étaient en cristal. Je le baptisai du nom de verre et je continuai mon chemin. Mais les voyages donnent appétit. Je ne savais comment faire pour assouvir ma faim lorsque je jetai les yeux sur des canards qui barbotaient dans les colonnes d'un journal. Je les dévorai l'un après l'autre. Ils étaient durs à digérer, mais ventre affamé n'a pas d'oreille. Une fois ces canards sauvages consommés, je fus plus calme. J'arpentais les pays inconnus avec ardeur, espérant m'instruire en voyageant. Je ne me trompais pas. Ce fut une oie qui me vint en aide. Une de ses plumes était là, taillée en pointe et le bec fendu. Elle avait tracé des caractères sur du papier blanc. Ces caractères furent reproduits par l'imprimerie. Un libraire les avait achetés, et le produit de tout cela était une magnifique édition de l'encyclopédie qui reposait sur le tapis vert que je parcourais. J'arpentais donc du terrain, et j'arrivais enfin sous une autre latitude. Le soleil baissait sensiblement. Je craignais de rester dans l'obscurité, mais comme Josué, j'avais le don de l'arrêter. Élevant le bras jusqu'à la hauteur de cet astre, je tournai la clé de ma lampe, et voilà la lumière revenue. Guidé par ce phare qui projetait ses rayons sur ma verte prairie, je rencontrai un grand réservoir plein d'une liqueur noire dont on m'apprit l'usage. L'emploi de ce liquide causait le bien et le mal, le bonheur et l'espérance, les chagrins et le désespoir. Cette onde noire avait donné la civilisation au monde, éclairé l'univers et transmis à la postérité les arts et les sciences. Par elle, on savait ce qui se passait en Asie. Par elle encore, la fortune n'était plus rebelle, car elle remplaçait l'or. Je m'informai du nom de cette liqueur souveraine. On m'apprit que c'était de l'encre. Je me gardais bien d'en répandre. Une seule fois pourtant, c'était le soir, je voulais souper et je n'avais rien. J'essayais de cette universelle panacée, et en répandant une goutte sur du papier, j'obtins aussitôt un magnifique pâté. C'est fort bien. Avec un tel lest, je parlais loin, et j'allais si loin que j'arrivais tout contre une grande machine ronde en or guilloché. Je prêtai une oreille attentive, et j'entendis un bruit formidable et cadencé à me donner des vertiges. Des voix intérieures semblaient dire « Respect au temps ». Je suis l'indicateur éternel des phases successives de la journée. C'est moi qui marque le moment d'entreprendre toutes les choses de la vie. On me regarde en se levant, on me consulte pour sortir, on m'interroge pour dîner. On me demande l'instant du rendez-vous et je conseille le repos quand ma révolution est accomplie. Car l'homme, comme s'il voulait à telle heure où il doit quitter la vie, prend bien soin chaque soir de renouveler mes forces. J'ôtai mon lorgnon et je reconnus ma montre. Arrivé plus à l'ouest, après avoir traversé des déserts arides, je trouvai par hasard un objet rond et plat sur lequel était le portrait d'un monarque. « Ramasse-moi, » me disait-il de sa bouche d'or, « c'est par moi seul que tu seras considéré, fêté, choyé, reçu partout avec égard et respect. Je te donnerai de l'esprit et de la beauté. Veux-tu du talent? Je t'en tiendrai lieu. Veux-tu de la jeunesse? On oubliera tes cheveux blancs. On te dira « Je t'aime, et peut-être le croiras-tu, car tu es vain et orgueilleux comme tes pareils. Je suis la source de la félicité, la récompense du travail, le nerf de la guerre. Je suis la pierre philosophale, l'espoir du pauvre et la force du riche. Enfin, je suis le dieu que l'univers encense et que les Hébreux adorèrent sous la forme prosaïque du veau d'or. » Excité par les paroles de ce portrait parlant, qui essayait de me séduire, par des promesses mensongères, je le ramassai, et ôtant mon fameux lorgnon, je reconnus une pièce d'or. Me voilà à moitié route. Je n'ai plus qu'à parcourir une distance égale et je serai de retour. J'allais revenir à mon point de départ lorsque j'aperçus un objet bien simple et bien commun pourtant. Mais que de peine pour sa construction, que d'hommes sacrifiés, que d'animaux égorgés, que de lointains voyages pour en rapporter les matériaux. L'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique avaient été mises à contribution. L'éléphant asiatique avait fourni ses dents. Les condamnés de la Sibérie creusèrent des mines profondes pour en extraire le fer. Les forêts africaines donnèrent l'ébène. Et enfin, le Pérou se chargea des lingots d'argent. Et tout cela pour fabriquer un simple couteau d'ivoire qui ne valait pas 1,50 franc. Alors je me dis en retrouvant mon fauteuil et en déposant mon lorgnon « Ô humanité, que de voyages ne fais-tu pas pour acquérir de la fortune et des sciences? Partout, c'est un mouvement, une activité incessante qu'exige le commerce des nations. Partout, on rêve des échanges, on trafique des produits de la terre, on recueille à la sueur de son front quelques parcelles de cet or après lequel on soupire. Et quand on a usé sa santé et sa vie, que la vieillesse est arrivée, au milieu des tourments et des soucis, on se trouve un beau jour, après bien des fatigues, sur le bord d'une tombe, où votre or ne vous suivra pas. Il sera éparpillé dans quelques heures par d'avides et insatiables héritiers. Ils se riront de vos travaux passés et ne donneront pas même une larme à votre mémoire. Décidément, je ne voyagerai plus. C'est déjà beaucoup que d'avoir fait le tour de ma table. Je suis las d'un pareil voyage. Le docteur va me gronder vertement. Ma foi, tant pis. J'en serai quitte pour une prescription et un verre de tisane. Je la boirai, lecteur, à votre santé. Ainsi s'achève Voyage autour de ma table par Marc Constantin.